Un voyou. Il finira à Cayenne. On est toujours sur Radio Cayenne, lundi 26 novembre, et on voulait vous parler des parcs à Nantes. Est-ce qu'on passerait Johanna Roland avant Est-ce qu'on donnerait la parole à Johanna Roland avant de vous lire un article de 20 minutes ce soir? C'est la fête sur Radio Cayenne. Allez Johanna, c'est à toi. Plus une seule occupation de l'espace public ne serait tolérée. C'est-à-dire qu'il y a une autre tente qui vient s'installer au Square d'Avier. Quelqu'un installe une tente au Square d'Avier dans deux ou trois jours. Tout de suite, elle est enlevée par les forces Square de l'ordre. Square d'Avier ou ailleurs. Tout de suite, elle est enlevée par les forces de l'ordre. Plus occupation de l'espace public ne sera possible. On a trouvé un petit article en ligne que vous avez peut-être déjà vu, qui a été publié il y a deux jours, sur 20 minutes, et qui fait le point sur les parcs à Nantes. Donc je vais vous le lire. Ça s'appelle « Nantes, fermée depuis l'expulsion des migrants, les squares ne rouvriront pas tout de suite ». Le square d'Avier, le jardin des Fonderies et le square Vertet ont été occupés par des migrants. Ils sont depuis fermés au grand public. Parce que les exilés, c'est le petit public, et les autres, c'est le grand public. Et bon, c'est pas ce qu'a voulu dire le journaliste, quoi. Quel point commun entre le square d'Avier, le square des Fonderies et le square Vertet? Ces trois parcs nantais ont tous servi de refuge à des personnes migrantes ces derniers mois. Leurs occupants ont été évacués, mais les sites sont depuis fermés au grand public. Une situation qui devrait se prolonger pour au moins deux d'entre eux. Le square d'Avier est le plus emblématique. Idéalement situé entre la place du commerce et la place de la Petite Hollande. Donc là, on dirait, je sais pas, une annonce immobilière, ce qui est un peu malvenu pour des gens qui se retrouvent à dormir dehors parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit à aller. Donc idéalement situé, ce parc. Il a été occupé pendant près de deux mois par 700 exilés installés sous des tentes. Ceux-ci ont été transférés le 20 septembre vers des hébergements. Donc voilà la version... La version du ou de la journaliste, j'ai pas regardé qui écrivait l'article, et je ne trouve pas, mais peut-être que je trouverai tout à l'heure. Ah si, c'est Frédéric Brenon, donc lui pense que les gens ont été transférés le 20 septembre vers des hébergements. Éventuellement, c'est la communication, il se contente de relayer la communication de la mairie. Donc on pourra dire que les gens n'ont pas été transférés vers des hébergements, ils ont été expulsés vers des gymnases pour quelques jours ou quelques semaines. Puis ils ont été expulsés vers des CAES, donc des centres de tri, qui vont examiner leur situation, qui vont donner des OQTF à des gens, en héberger peut-être d'autres, reconduire des gens à la frontière, etc. Donc c'est ça le transfert dont nous parle le journaliste. Donc je reprends la lecture. Depuis, l'accès au square est fermé par des grillages. Des travaux de nettoyage et de plantation ont déjà été effectués. Mais sa remise en état par les services des espaces verts va nécessiter encore plusieurs mois, indique la mairie de Nantes. Des travaux de sécurisation. À proximité du boulevard Vincent Gache, le jardin des Fonderies a lui été occupé quelques jours début octobre par une vingtaine de personnes. Des barrières, surveillées par des vigiles, des fois qu'elles se barreraient les barrières, ce serait con quand même, en bloquent désormais l'accès, ayant la particularité d'être entièrement couvert par une ancienne toiture industrielle. Peut-être ils osent pas dire que c'est pour ça que les gens se mettent en dessous, peut-être ils n'avaient pas compris, les journalistes, que c'est parce que c'était à l'abri, en fait, que c'était cool de pouvoir garder ce lieu, à défaut d'avoir des vrais espaces pour pouvoir dormir. Craignant une réinstallation, la ville envisage désormais des travaux de sécurisation. Donc on pourra s'attendre à ce que le jardin des Fonderies soit fermé complètement, qu'il y ait des caméras, qu'il y ait des rondes de vigiles et de flics. Une étude est en cours donc pour les travaux de sécurisation et la réouverture du jardin est envisagée d'ici la fin du premier trimestre 2019 seulement. Près de la place Mangin, le square Vertet a été occupé 4 jours par une soixantaine de migrants. Le pont ferroviaire qui traverse le parc leur offrait un abri de fortune. La police est venue les expulser le 26 octobre. Alors si, là, du coup, ils parlent d'expulsion pour le coup. Des gravats ont immédiatement été déposés sous le pont, donc des gravats de 20, 30, 40, 50 kilos, hein, on parle pas de gravier. Un mois plus tard, des agents de surveillance sont toujours présents, 24 heures sur 24, pour empêcher l'entrée. La réouverture est toutefois proche, selon la mairie. Après la réouverture partielle du jardin d'enfants, l'accès au square sera rendu au public d'ici la fin novembre. Et le journal nous annonce que ça coûte 500 000 euros de gardiennage. Donc la fermeture prolongée de ces trois sites ne réjouit pas les riverains. Donc il y a des riverains qui disent qu'on vire des migrants qui avaient besoin d'un abri et on empêche les habitants d'accéder au square et que tout le monde est perdant. Donc ça, c'est un voisin agacé. Et une autre personne qui dit c'est dommage, ce jardin était apprécié même en hiver. Et ça, c'est un voisin, c'est un salarié qui travaille près du jardin des fonderies. Et d'autres gens pointent le coup de la surveillance des sites, parce qu'effectivement, il y a une enveloppe de 490 000 euros qui correspond aux frais de gardiennage qui a été votée dernièrement par le conseil municipal. Et du coup, l'article rappelle que Johanna Roland avait déclaré que plus aucune occupation sauvage d'espace public ne sera tolérée. Voilà. Donc 500 000 balles pour faire travailler des gens dans des conditions de merde pour surveiller un site pour pas que d'autres gens aillent y dormir dans des conditions de merde, alors que ces 500 000 balles, ils pourraient servir à ouvrir des logements. Ouais, c'est un peu gerbant. Et voilà, c'était pour donner des nouvelles des parcs. Et on avait dit dans une précédente émission que ça faisait trois squares fermés et que ça fait trois squares fermés pour les gens qui ont l'habitude d'aller dans ces parcs-là. Et que peut-être que ce serait drôle que tous les parcs de Nantes ils finissent par fermer et peut-être les gens ils bougeraient un peu leur cul. Pour faire changer la politique de la ville de Nantes à l'égard des exilés, quoi. Ouais, c'est ça, et puis c'est marrant, je crois que ça me rappelle une histoire de... Dans les années 80, je crois qu'il y avait justement une histoire d'un parc qui avait fermé dans un quartier populaire à New York, et genre justement ça avait créé des grosses émeutes, en fait, et enfin, tout le quartier, en fait, s'était bougé parce que c'était pas possible, quoi, qu'on leur prenne leur parc et qu'ils puissent plus vivre, quoi. Et puis c'est ça, il y a toujours aussi des sous pour la répression et jamais pour ouvrir des nouvelles baraques, quoi. Bon, peut-être on peut si en profiter pour passer un message de soutien aux enfarineuses de Johanna Roland. Et bravo, enfin, quand on lit des trucs comme ça et quand on écoute Johanna Roland, en fait, je pense que ça devrait lui arriver plus souvent. Et peut-être en profiter pour dire que la personne qui est accusée d'avoir enfariné et une autre personne qui est accusée d'avoir insulté une élue sont passé au tribunal la semaine dernière, jeudi dernier, et que le procès, comme il y avait la grève des avocats, le procès il est reporté au 9 janvier. Mentre el sol esperava i els carros veien Siset, que no veus les taques on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si es girem tots allà caurà i molt de temps. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida torna'm a dir el teu no pot durar, segur que tomba. paesatge no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret, i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en sisè, lo darrer que em va ensenyar. Si els tirem tots, ella veurà, i molt de temps no ho pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben portal de l'ensejar. C'est pas un pieu qui est tombé, mais c'est une caméra de vidéosurveillance qui est tombée la nuit dernière, ce matin à 3h20 au Dervalière. Elle était sur un poteau et quelqu'un a scié le poteau à la meuleuse. Voilà, et moi j'avais juste envie de vous lire l'intro de l'article de Ouest France qui relate ça, parce que on croirait pas comme ça, mais des fois Ouest France... Je sais pas, il nous donne des petites astuces. Et du coup, l'astuce du jour, c'est comment empêcher une caméra de vidéosurveillance de filmer ? Eh bien, en cisaillant le poteau sur lequel elle est installée, par exemple. Donc, merci Ouest France pour la petite info. Merci la personne qui a... On aime bien ça, ouais. On aime bien, ouais, ces petites infos. Merci celui ou celle qui a descendu ce poteau et cette caméra. Et bah, fais gaffe à toi, parce que... les flics ont ouvert une enquête et l'article raconte aussi que ce sont les agents du centre de supervision urbain de Nantes qui ont été témoins de la scène et qui ont appelé les keufs. Voilà, mais ça doit être quand même assez drôle quand t'es en train de cisailler le poteau, de t'imaginer les crétins qui sont en train de te regarder de l'autre côté des caméras et qui peuvent juste rien faire en fait, parce que bah ils sont loin. Et ben voilà, ben, eux on les félicite pas pour leur taf de merde. I got you. un autre big up que je trouve rigolo parce que même si on, je sais pas, je trouve que c'est un peu dur de savoir comment se positionner sur ce truc de gilet jaune, tout ça, sachant que c'est pas les mêmes gens et tout. Mais là, je viens de voir sur BFM TV, parce qu'il y a eu des émeutes avant-hier sur les Champs-Élysées, avec des boutiques de luxe qui ont été vandalisées, des terrasses de bars de Bourges qui ont été mis à sac, mis à feu, et ça c'est trop bien. Et sur les Champs-Élysées, là, je viens de voir plus d'un million d'euros de produits pillés samedi dans la boutique Dior. Est-ce que vous voulez que je vous lise l'article? Il doit pas être très long. Eh, les gens, allez pas en manif habillés en Dior quand même la prochaine fois. Vous allez vous faire pécho. Hein. Ça fera des jolis cadeaux à mettre sous le sapin au moins. C'est ça qu'on peut se dire. Aïe, aïe, aïe. Lors de la manifestation des Gilets jaunes samedi sur les Champs-Élysées, une trentaine de magasins et restaurants ont eu leurs vitrines brisées. La boutique Christian Dior a déposé plainte après avoir été pillée. Oulala. Préjudice estimé. Non, parce que les riches ont des préjudices maintenant. Alors que bon, préjudice moral, quand on passe au tribunal face à des violeurs, c'est à peine considéré là. Il y a un préjudice. Bon, ok, on va me rétorquer qu'un préjudice, ça peut être aussi financier en langage juridique, mais fuck. Mais, hein ? C'est pas comme si le patron ou la patronne de la boutique allait pleurer en rentrant chez elle le soir parce que ses flacons étaient brisés et que sa vie en dépendait, quoi. Enfin... Bah ouais. Non, mais on pense pas assez à la santé mentale des riches, en vrai. Les violents débordements. Oui, bah c'était des émeutes, les gars. Lors de la manifestation des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées samedi dernier, ont donné lieu à d'importants dégâts matériels. Même si le bilan définitif des préjudices subis, encore eux, n'est pas encore établi, des dégradations commises par les manifestants, c'est marrant, ils disent les manifestants, même pas les casseurs, ont été significatives. Une quarantaine de véhicules, vélos et scooters ont été incendiés ou détruits. En même temps, les Vélib, c'est vraiment pourri. Une dizaine d'engins de type grue ou chariot élévateur ont été brûlés également, ainsi que 5 terrasses de restaurants brûlées au niveau des stores. Du mobilier urbain et des caméras de vidéosurveillance ont aussi été dégradées. A commenté Cécile Olivier, journaliste sur l'antenne de BFM TV. Tintintin. Le bilan provisoire des préjudices matériels subis comprend également une trentaine de magasins et restaurants qui ont leurs vitres brisées. Non mais ils se répètent dans leur article, c'est nul. La boutique... C'est pour les familles de vitrines. Ouais, c'est ça. La boutique Dior, située au 52 avenue des Champs-Élysées, non mais ils en font de la pub en plus, a même l'objet d'un piège en règle. Ah, vous avez oublié un mot, BFM. La direction de la boutique a porté plainte car elle a été pillée. Notamment des bijoux ont été volés. C'est moche en plus. Mais oui, en plus c'est moche Dior. Selon les responsables de l'enseigne de luxe, le préjudice s'élève à plus d'un million d'euros. Bah voilà. Et du coup, c'est marrant pour réagir à ce que t'as dit. C'est vrai qu'ils ont pas dit les casseurs, ils ont dit les manifestants. Et j'ai pas trop suivi l'affaire dans les gros médias, mais... C'est marrant qu'ils essayent pas de décrédibiliser le mouvement en faisant genre « Oui, il y a les bons gilets jaunes et les mauvais gilets jaunes ». Si, en fait, ils essayent, mais ils disent que c'est des black blocs d'ultra-droite qui se sont infiltrés et qui ont commis des dégradations. RTL a dit que c'était l'ultra-gauche ce matin. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est pour dire que les deux extrêmes se rejoignent et que de toute façon, c'est à peu près pareil. Voilà, j'ai voulu rigoler, je suis puni, je tousse. Et du coup, à ces dégâts matériels s'ajoute le manque à gagner. Oh là là, le manque à gagner pour les magasins et restaurants de l'avenue qui ont dû fermer boutique alors qu'il s'agissait d'un samedi, jour de fréquentation forte, à l'orée des fêtes de fin d'année, juste avant Noël. Oh, c'est pas trop esprit de Noël tout ça. C'est pas trop festif. Ouais. Un piège entre copains, c'est assez festif, ouais, ça va. Puis ouais, il y avait des feux, un peu d'ambiance et tout. Selon le responsable de la brasserie L'Alsace, Lionel Guglieri, ce sont près de 50 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus, a-t-il témoigné sur BFM TV. 50 000 balles la journée. Bah ouais, non, c'est hallucinant en fait. Pour avoir travaillé dans plusieurs restaurants, des restaurants qui faisaient pas mal de chiffres, c'était rien comparé à ça. Après, bon,